Antoine, quelle est cette dédicace que nous venons de recevoir présentement, s'il te plaît? Alors, un numéro s'est affiché sans identité, mais par contre, il est clairement adressé à une personne de l'équipe. Je vous lis le message. D'accord. Comme soir s'apprend la tribu de Dana à la cornemuse. Putain, les bâtards. Petite dédicace à Mano avec cette magnifique balade bretonne. Donc, le temps de passer quelques sujets, on va retrouver cette chanson. Génial. De Mano. Ou peut-être simplement la chanter, l'interpréter. On peut l'interpréter à la voix, je pense. Oui. Mais le début, ou... du coup. Oui. Il faut faire le début à la. Attends, je peux essayer de le faire à la flûte, d'accord? Ah, oui. Alors. Pour toi, inconnu. Du 67C. Je fais du beatbox. Attends, ça fait comment déjà? Ok, la classe. Mais du coup, tu sais pas qui c'est? Si, je crois savoir qui c'est. Je ne vous révélerai pas son identité. Mais sachez qu'on en parlera ce soir à la maison. Voilà.